Le café vient de fermer mais je suis devant, je reste. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb. Mais tu viens d'une ville dangereuse qui te vend le stress. Je serai fair play si je feins d'être énervé, c'est pour te faire plaisir. Et je me pencherai, me moquant de ton air boudeur. Pour m'emmerder t'allumeras un joint d'herbe ou deux. Tu joueras l'insoumise mais tes mots m'affectent pas. J'obtiendrai ton sourire, le seul témoin de ma victoire. Je tiendrai tes oreilles pour les empêcher de se sauver. Je te dirai, y'a de la meuf dans cette soirée mais moi j'ai vu que toi. Ton corps dans ma rétine c'est sensoriel, sincèrement elle pourra pas nous essorer la routine. En face de moi y'a des types foncés en bas du bloc. Mais je pense à tes petites faussettes en bas du dos. Calcule pas tous ces types foncés en bas du bloc. Mais je pincerai tes petites faussettes en bas du dos. Le café vient de fermer mais je suis devant, je reste. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb. Mais tu viens d'une ville dangereuse qui te vend le stress. Tu me diras non quand je te demanderai si tu m'aimes. Et c'est un non bien plus précieux qu'un oui. Je te comprends pas mais j'ai tes yeux pour sous-titrer. Tu m'as dit qu'un jour on se lirait, qu'une nuit on se quitterait. Comme j'étais absent 6 mois, tu me fuis. Vu que dans mes concerts y'a moitié de filles. Même quand je suis sincère, chaque fois tu te méfies. Et quand je suis moi, tu me fuis. Bon c'est vrai que c'est récurrent. Mais me mets pas sous pression, fuyons cette atmosphère récurrente. L'amour n'est pas une prison. En t'attendant j'observe les liens que les pas sans nous. Il fut un temps où la beauté du ciel venait pas sans nous. Les autres femmes manquent de sel. Je ne croque pas un bout de ces repas sans goût. À l'esprit j'ai des images de tes cheveux qui repasse en boucle, mais t'es toujours pas là et le jour s'étire. Je commence vraiment à m'inquiéter pour toi, le sais-tu. Aujourd'hui c'est dur, demain c'est pire. Et ta jalousie me donne envie de toutes les séduire. Mais je reste fidèle par respect, ça je l'ai juré. T'es la seule qui me paraît spéciale tous les jours. Alors je reste fidèle par respect, ça je l'ai juré. T'es la seule qui me paraît spéciale. Tu jetteras mes affaires encore et tout ce qui pourrait traîner. Même un livre que je t'ai prêté, j'ai un visage pour être aimé. Tu m'as dit quand est-ce que tu vas t'arrêter d'idéaliser l'amour dans les livres tout en me négligeant. Quoi, toi tu crois connaître les gens? Vérité dantesque, j'ai le cœur en dentelle. Mais je suis qu'un mur en tant que tel. Tu feras la tête mais j'ai un cadeau sous ma parka. Ton sourire énervé je le connais par cœur. Alors on escaladera des cris et on ira dans un parc. Et si le gardien nous crie, on modifiera le parcours. En bruit pleine de frivolité, des rues de Rivoli. Une plaisante rivalité jusqu'à ce qu'on a Rivoli, tu vois, je te connais par cœur. À croire que les embrouilles je les cherche. Mais pour l'instant je me les gèle et je regarde l'heure. Le café vient de fermer mais je suis devant, je reste. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb. Mais tu viens d'une ville dangereuse. Tu voulais plus te poser, t'avais tout fait pour ta guérir beauté. Mais moi j'ai tout fait pour t'acquérir. On aime pleurer autant que rire. Pourquoi fallait-il qu'on possède base? Peur de souffrir, j'étais distant comme pour dire tu me possèdes pas. Pardon bébé, pardon, marre de cette vie de rap. Tu m'as dit c'est faux, tu le feras jamais, c'est moi que tu quitteras. Et c'était faux, enfin j'ai nié sous le seum cette vérité retentissante. Espèce de lâche, rassure-toi en te disant que c'est la vie et que toute façon le génie est souvent seul. Le café vient de fermer, tu ne viendras plus. Je sens le dernier métro gronder sous mes pattes. Quelle idée d'aimer cette femme qu'on ne soumet pas. C'est plutôt nul comme fin, en plus ça nique leur frein.